L'Agence hydrographique centrale de Corée a publié le 21 mars le rapport détaillé sous le titre « La fin misérable de Park Geun-hye et le jugement sévère de la nation et de l'histoire pour sa haute trahison ». Elle indique notamment « La traîtresse sans pareil Park Geun-hye a été expulsée de la Maison Bleue par la lutte de masse à la bougie des populations sud-coréennes. Comme son père tué à balles par son acolyte fidèle, Park Geun-hye a laissé une page déshonorante dans l'histoire politique sud-coréenne comme présidente morte de la bougie du peuple. La résistance de tout le peuple qui a régné sur le territoire sud-coréen pendant plus de 130 jours depuis la fin d'octobre 2016 a été l'explosion de la rancune et de la colère accumulée des habitants sud-coréens contre Park Geun-hye, auteur de la dictature et meneuse des vices et corruptions, qui s'est appliquée à la politique vicieuse antipopulaire, au servilisme à l'égard des forces étrangères, à la trahison à la nation et à la confrontation fratricide. La lutte à la bougie en Corée du Sud a été une résistance pan-nationale sans précédent dans l'histoire. En accord avec la lutte des Sud-Coréens pour la destitution de Park Geun-hye, les ressortissants coréens à l'étranger comme les États-Unis, le Japon, le Canada, la France et l'Allemagne se sont engagés dans la lutte solidaire à la bougie, à la campagne de déclaration sur l'actualité et à la manifestation. La résistance générale des Sud-Coréens en faveur d'un monde nouveau, indépendant, démocratique et réunifié a été un combat acharné contre les forces traîtresses et serviles aux grands pays étrangers et les conservateurs. La résistance de tout le peuple sud-coréen a montré que les forces de l'injustice comme Park Geun-hye qui domine le peuple et qui va à l'encontre de l'inspiration des masses populaires et du courant de l'époque finissent par ruiner et qu'aucun ne peut barrer le peuple uni dans la justice et la vérité. Avec l'enthousiasme et l'esprit d'avoir jugé résolument Park Geun-hye par le flambeau de la résistance populaire, le peuple sud-coréen se dresse énergiquement dans la lutte de masse pour enterrer définitivement les déchets de l'histoire et de la nation et créer une politique, un régime et une société nouveaux dont le maître et les masses populaires.